les fous partout. À la pute plein sous, trop de vie, je vois rouge. Tu sais pas, t'es malou. Tu sais que c'est la street, mon cousin. Fais gaffe par qui tu te fais pousser. Je montre jamais ma douce. Une critique, c'est un fou, c'est. Je fais bandit ma femme. Elle conduit le 4x4. J'éteins les réseaux, je me sens mieux comme ça. Je me sens léger, mon cœur. C'est ma vie, mes fans. Te manque pas avec eux. Les fils de même pas aimeraient vivre ça. Ils m'envient peu, cher. J'ai pas d'armes dans le coffre. Je raconte pas ma vie au folle. Y'a le signe audi sur le moteur. Je me la pète jamais pour qui. Plein de mani-ni-ni-ni. Tout le temps tu fais comme ça. Je vais t'effacer de ma vie. J'ai pas mérité ça. T'es plein de mani-ni-ni-ni. Tout le temps tu fais comme ça. J'ai bizarre carré. Écarte-toi de moi. Dans ma mama. Dans ma mama. Après je suis dans ma mama. Dans ma mama. Dans ma mama. Dans ma mama. Après je suis dans ma mama. Dans ma mama. Tu chantes en habitat de pas. J'suis costaud, t'embête pas. J'suis marseillais, on m'achète pas. J'suis encore plus fier qu'on met deux pas. Que j'dors, j'm'arrête pas. J'ai assez souffert comme ça. J'me rappelle pas, j't'appelle pas. Y'a que les vrais qui restent. Ils peuvent dire des phrases qui blessent. Plein de mon sang, après ils te laissent. J'sais ce qu'ils vont en finesse. J'ai pas d'armes dans le coffre. J'raconte pas ma vie aux folles. Y'a le signe audi sur le moteur. J'me la pète jamais pour qui. Te plein de manini.